Finalement, choisir le truc qui te convient le mieux. Il n'y a pas de souci. La seule chose que, à la rigueur, je peux